Cours numéro 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alameen. Wassalatu wassalam ala Nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Qala l'imam ibn al-Qayyim rahimahullahu ta'ala wal maqsoudu anna al-maqsouda min ijtima'i an-nas wa ta'ashurihim at-ta'awunu ala al-birri wa at-taqwa. فيعين كل واحد صاحبه على ذلك علما وعملا. فالمقصود أي le résumé de tout ce qu'on a vu depuis le début de cette étude ولله الحمد أن المؤمن le croyant il doit s'entraider avec ses frères bien sûr على البر والتقوى فلهذا قال وتعاشرهم التعاون على البر والتقوى فيعين كل واحد صاحب على ذلك علما وعملا. Que ça soit tout ce qui est lié au ilm, an-nasiha, lui montrer que telle chose c'est permis, que telle chose ce n'est pas permis, que telle chose ça fait partie de la sunna, que telle chose c'est une bid'a, كذلك العمل. S'il a besoin que tu lui montres une chose etc., فهذا سمنا التعاون على البر والتقوى dans le bien في طاعة الله عز وجل dans l'obéissance d'Allah سبحانه وتعالى كذلك on s'entraide pour repousser le mal وأعظم البر بل c'est أصله وأسه la base du bien c'est التوحيد et la base du mal c'est الشرك بالله عز وجل أي adorer autre qu'Allah سبحانه tout ce qui est lié au shirk, à la sorcellerie, etc. Enfin, on doit faire des efforts. أولاً في التعاون في هذا الباب العظيم التوحيد علماً وعملاً كذلك le suivi du prophète عليه الصلاة والسلام لأن on ne peut pas adorer Allah subhanahu wa ta'ala que si on suit le prophète Muhammad عليه الصلاة والسلام et ce qui contredit cette sunnah, cette voie c'est al-bid'a. C'est les inventions vidinillahi azza wa jal. C'est de faire rentrer les coutumes, le suivi aveugle, l'ignorance, les ambiguïtés, iyadam billah, dans notre din. Tout ça, ça va provoquer de l'égarement. Et kullu bid'atin dhalalah, comme قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال رحمه الله فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه. فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنسان قائما بعضه ببعض معينا بعضه لبعض. الإنسان il ne peut pas vivre seul. لا بد من مخالطة. Tu es obligé de fréquenter. La femme elle vit avec son mari, le mari avec la femme. وهكذا الإنسان il a des voisins, il a des parents, il a de la famille. Peut-être qu'il côtoie des gens au travail. أو في طلب العلم فلا بد من مخالطة فلهذا قال فإن العبد وحده لا يستقل بعلم ذلك ولا بالقدرة عليه et كذلك on peut pas faire les choses seul. Est-ce qu'on peut propager دين الله عز وجل seul? On est obligé de s'entraider. هذا il écrit, هذا il traduit, هذا il enseigne, هذا il propage, هذا il résume, هذا il facilite à ses frères. فهكذا Et si notre objectif c'est ridallah subhanahu wa ta'ala, si notre objectif c'est que Allah subhanahu wa ta'ala il soit satisfait de nous et كذلك d'acquérir cette énorme récompense al-jannah et كذلك que هذا التعاون il est fondé sur al-ikhlas wa al-sidq, sur la sincérité, la véracité, sur al-nasiha bi idnillah azza wa jalla, on avancera. Même si on est peu. لأن الله عز وجل يبارك في العمل الخالص. Allah subhanahu wa ta'ala il met de la baraka dans l'entraide qui est fondée sur la sincérité et sur le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam, comme on a vu dans le dars précédent, les deux points. Et la première base, la sincérité, et l'objectif, c'est رضا الله subhanahu wa ta'ala et que Allah il soit satisfait de nous. قال ولا بالقدرة عليه. C'est pour ça qu'on doit s'entraider avec ulama ussunna tout ce qui est lié au ilm. On doit propager le khair, on doit s'entraider entre nous. Les anna qudrata al-insan, elle est limitée dans beaucoup de choses. Lakin, avec al-jama'a, yahsul al-khair. Ou hakada dans umur al-dunya. Tant que c'est min al-halal, tant que c'est pas du haram, tant que c'est pas min al-ithm, tant que c'est pas min al-udwan, fayahsul khair, kathir. قال فاقتضت حكمة الرب سبحانه أن جعل النوع الإنساني قائما بعضه ببعض. النوع الإنساني, l'être humain, il a été créé هكذا. Il ne peut pas vivre seul. Il ne peut pas avancer seul. فلا بد من تعاون. قال معينا بعضه لبعض. ثم قال سبحانه وتعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. قبل ذلك, on ne doit pas oublier كذلك l'énorme récompense fit ta'awun. Les anna, si tu aides ton frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il t'aidera. Wallahu fi auni al-abd, ma kana al-abdu fi auni akhir. N'oublie pas, hadha al-hadith al-nabawi. On espère tous que Allah azza wa jalla nous facilite. Facilite à ton frère. On espère tous que Allah subhanahu wa ta'ala, il nous aide et il nous ouvre les portes. Entraide-toi avec ton frère. Si Allah subhanahu wa ta'ala akramak bil ilm, fais des efforts pour aider ton frère, donne-lui du temps. Que ce soit pour la révision du Coran, que ce soit pour la langue arabe, que ce soit pour réviser ses dolos, que ce soit pour autre chose. Allah subhanahu wa ta'ala t'a donné des facilités dans autre chose, dans dunya ou autre. Fais du bien. Entraide-toi avec ton frère, c'est une cause pour que Allah subhanahu wa ta'ala, il te facilite. Et c'est cela l'objectif que Ibn al-Qayyim rahimahullah il a cité, qu'on a lu ensemble hier. Cette récompense, qu'Allah soit satisfait de nous. Une des causes, c'est de s'entraider avec son frère al-mu'min al-muslim. ثم قال رحمه الله ثم قال تعالى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان والإثم والعدوان في جانب أنه نظير البر والتقوى في جانب الأمر. قوله ولا تعاونوا على الإثم والعدوان, c'est exactement la même chose que قوله وتعاونوا على البر والتقوى, sauf bien sûr que c'est l'opposé. Et on doit s'entraider dans le bien et on ne doit pas s'entraider dans le mal. فالإثم والعدوان, c'est le mal. قال والفرق ما بين الإثم والعدوان فرق ما بين محرم الجنس ومحرم القدر. Donc c'est toujours la même règle. Al-ithmu wal-udwan, quand ils sont cités ensemble dans un texte comme dans ce verset, fal-ithmu, il a un sens, wal-udwan, il a un sens. Quand al-ithmu, il est cité seul, ou l'udwan, il est cité seul, il englobe l'autre. Donc c'est exactement la même règle qu'auparavant. Fahuna, ils sont cités les deux dans cette partie du verset. Ou Ibn al-Qayyim, rahimahullah ta'ala, il a montré an al-ithm, c'est al-muharram, أو الحرام لجنسه. On continue لأنه il a expliqué. قال فالإثم ما كان حراما لجنسه والعدوان ما حرم الزيادة في قدره وتعدي ما أباح الله منه. Donc الإثم c'est ce qui est حرام lui-même. سيأتي معنا مثلا l'exemple de l'alcool, de الزنا, l'adultère, etc. العدوان c'est quelque chose qui est permis à la base, لكن الإنسان dépasse les limites. Il dépasse al-hudud et ça devient min al-udwan. Ay, hada ar-rajul aw hadhihi al-mar'a, ils sont injustes en dépassant les limites alors qu'à la base la chose elle est permise. Fa qala fa-zina, ay, la fornication, l'adultère, wa shurb al-khamr, boire de l'alcool, wa as-sariqa, le vol, wa nahwaha ithm. Tout ça c'est du ithm, ay c'est haram. Mathalan, le vol c'est haram. Que ça soit de temps en temps ou toujours, une petite somme, une grosse somme, c'est haram dans tous les cas. Wa hakada l'adultère, wa hakada boire de l'alcool. Qala wa nikahu al-khamisa wa istifa'u al-majni 'alayhi akthar min haqqihi wa nahwuhu 'udwan. Hada samital clair. Mathalan, Allah subhanahu wa ta'ala il a autorisé l'homme annahu il peut se marier avec 4 femmes. 4 femmes, 4 contrats de mariage au même moment. il n'a pas le droit de rajouter une cinquième. Celui qui se marie avec cinq femmes, et il a cinq contrats de mariage dans un même moment, en même temps, il a dépassé les limites. Et c'est ça, l'udwan. Et là, je sais que c'est haram, c'est interdit. Il lui a fait quelque chose, l'insan, il a le droit de répondre, mais ne pas dépasser les limites. Il lui a mis un coup, et ouais, il veut dépasser les limites, il le blesse gravement. هذا من العدوان إيه حرام سي انتردي قال فالعدوان هو تعدي حدود الله قبل ذلك الشيخ ابن عثيمين رحمه الله إلى سيتي اون اوتر ديفيرونس كما في تفسيره عند هذه الآية من سورة المائدة قال الإثم هي المعاصي المتعلقة بحق الله عز وجل والعدوان المعاصي المتعلقة بحق العباد. Cheikh Al-Uthaymeen, rahimahullah, il a montré un al-ithm, c'est les péchés qu'il y a entre al-insan, ou plutôt quand l'être humain, il désobéit Allah subhanahu wa ta'ala. Hada, c'est du ithm. C'est haram, lakin ce péché, c'est pas lié plutôt à une autre créature. Là, c'est bayna al-abd wa bayna rabbi. Ou al-udwan, al-ma'asi al-muta'alliqa bihaq al-ibad. C'est un péché, lakin il est lié à un autre. Maintenant, le fait de lui voler son argent, le fait de le frapper, le fait de l'insulter, هذا c'est من العدوان. أما الإثم c'est الحرام بين العبد وبين ربه. Maintenant, واحد il a pas fait une salah, il a pas fait un jour de siyam. هذا c'est du إثم. C'est entre lui et Allah سبحانه وتعالى. نعم. فبعض العلماء ils ont cité d'autres catégories que celle de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah. Wa kullu hada c'est sahih. Toutes ces catégories elles sont authentiques. Il n'y a pas de contradiction. Qala fal'udwan huwa ta'addi hudud Allah allati qala Allah fiha tilka hudud Allah fala ta'taduha wa man yata'adda hudud Allah fa ulaika humu adh-dhalimun. Allah subhanahu wa ta'ala il a légiféré des choses. Il nous a ordonné des choses, il nous a permis certaines choses, il nous a interdit d'autres. Celui qui dépasse les limites, ces limites que Allah subhanahu wa ta'ala il a légiférées, il est injuste. فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ وَقَالَ فِي مَوْضِعٍ آخَرْ أي مِنَ الْقُرْآنِ تِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ فَلَا تَقْرَبُوهَا. Vous avez remarqué que le premier verset, Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit de dépasser les limites. Et dans le deuxième verset, il nous a interdit d'approcher ces limites. قال ابن القيم رحمه الله فنهى عن تعديها في آية وعن قربانها في آية وهذا لأن حدوده سبحانه هي النهايات الفاصلة بين الحلال والحرام ونهاية الشيء طارة تدخل فيه فتكون منه وطارة لا تكون داخلة فيه فيكون لها حكم مقابله فبالاعتبار الأول نهى عن تعديها وبالاعتبار الثاني نهى عن قربانها. فتستفيد من هذا الكلام أن لا تدي باس لي ليميت. Si Allah subhanahu wa ta'ala t'a autorisé une chose, fais attention de ne pas dépasser cette limite que Allah subhanahu wa ta'ala il a instauré, légiféré. Allah subhanahu wa ta'ala il nous a ordonné, ou il nous a plutôt autorisé certaines choses, et il nous a pas autorisé plus. Mathalan, on vient de citer l'exemple, le fait de se marier avec quatre femmes. Ah là, c'est permis. Ah, mais dépasser les limites, c'est mina al-haram. كذلك Allah subhanahu wa ta'ala, il nous a interdit d'approcher هذه الحدود. وكما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لكل ملك حمى وحمى الله محارمه. Chaque roi, il a des limites. Le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a cité l'exemple d'un roi qui a une propriété, mathalan. Tu n'as pas le droit de rentrer dans cette propriété. C'est des limites. Cet accès, il est réservé à ce roi. Thumma qala Nabi sallallahu alayhi wa sallam, inna hima Allah maharimu. Ces limites d'Allah subhanahu wa ta'ala, c'est ce qu'il nous a interdit. Enfin, fais attention de ne pas approcher. Celui qui approche, il peut rentrer dans cette propriété privée. Et fi haqqillah azza wa jalla, c'est al-maharim. Falihada, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il nous a interdit de s'approcher دي الشبه. لماذا؟ لأن الشبهة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم و نوزا مونتخي عليه الصلاة والسلام أن الشبهات من وقع في الشبهات وقع في الحرام. Celui qui s'approche et qui fait ces choses ambiguës, il tombera dans le haram. فلهذا بعض الناس ils sont attirés par les doutes, عياذا بالله. Ils aiment bien les choses où c'est pas clair. Et هذا c'est pas le comportement du mu'min. نحن on doit s'écarter des choses ambiguës. إن الحلال بين والحرام بين وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمها كثير من الناس فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى. النبي صلى الله عليه وسلم يعطي هذا مثال كم ان بيرجي كي بروميند سون تروبو اوتور دو لا بروبريتي مثلا دان روا او دان اوتر مهم اون بروبريتي بريفي peut-être que une bête de son troupeau elle va rentrer dans cette propriété et il va se faire beaucoup de mal. فهكذا celui qui s'approche de al-haram ou celui iyadan billah qui est attiré par les ambiguïtés. فلهذا قال الله سبحانه وتعالى في القرآن ولا تقربوا الزنا. تأمل ce verset. Allah سبحانه وتعالى dans ce verset nous a pas dit de ne pas faire zina. Il قال عز وجل ولا تقربوا نبخش با. لماذا؟ لأن الزنا له مقدمات. الزنا avant de faire الزنا يدن بالله en général الإنسان ça commence par un regard ثم une parole ثم un rendez-vous معروف هذا. فلهذا قال عز وجل ولا تقربوا الزنا. Si tu ne veux pas tomber dans le péché écarte-toi. Écarte-toi de la mixité, écarte-toi de le fait de communiquer avec des femmes etc. Et بإذن الله عز وجل tu préserveras ton dîn. وقال عز وجل dans un autre verset ولا تقربوا الفواحش. الفواحش c'est les turpitudes, tout ce qui est mauvais. N'approche pas. Combien de personnes se sont fait du mal elles ont approché d'une mauvaise chose ou d'un endroit où il y a des mauvaises choses et au départ elles n'avaient pas l'intention de faire cette mauvaise chose ثم وقعوا في الحرام. Donc, al-mu'min, il préserve son dîn. Il s'écarte du haram. Il s'écarte des choubahs. Il s'écarte des ambiguïtés. Et il ne dépasse pas les limites. Si Allah subhanahu wa ta'ala lui a autorisé une chose, il doit être reconnaissant. C'est une ni'ma. Et il s'entraide avec ses frères dans le halal, dans l'obéissance. Et tout ce qui est lié, bien sûr, au ilm et à l'application du ilm. Et bien sûr, il ne s'entraide pas fi al-ithm wal-udwan. Ce passage qu'on vient de lire. Hadha al-kalam de l'imam Ibn al-Qayyim rahimahullah, l'explication de ce verset ou cette partie plutôt de verset très très résumé, elle est très très bénéfique. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yarhamah. Thumma qala faslun fa hadha hukm al-'abd fi ma baynahu wa bayna an-nas. Tout ce qu'on vient de voir, cette partie du verset wa ta'awanu 'ala al-birri wa at-taqwa wa la ta'awanu 'ala al-ithmi wa al-'udwan. Vous vous rappelez au début du livre, on avait dit que ce verset, il englobe tout le bien. Et ce qui concerne le comportement de l'être humain avec les êtres humains et كذلك حق الله عز وجل, le devoir de l'être humain par rapport à Allah عز وجل. فقوله وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. Ça c'est فيما بينه وبين الناس. C'est entre toi et les autres personnes. قال وهو أن تكون مخالطته لهم تعاونا على البر والتقوى علما وعملا. هذا c'est le résumé de tout ce qu'on a vu auparavant. Tu dois t'entraider avec tes frères al-muslimin في الخير, dans le bien, في البر والتقوى. At-taqwa, c'est de faire les obligations et s'écarter des interdits. Enfin, entraide-toi avec ton frère. Ala hadha ilman wa amalan. Que ce soit la science, les connaissances, ou les mises en application. Que ce soit par rapport à ton dîn, ou que ce soit tout ce qui concerne ce bas monde, tant que c'est halal. Limadha li'anna Allah azza wa jalla qala, wa la ta'awanu ala al-ithmi wa al-udwan. Ne vous entraidez pas dans le mal et la turpitude. Thumma qala, rahimahullah. وأما حاله فيما بينه وبين الله تعالى فهو إيثار طاعته وتجنب معصيته وهو قوله تعالى واتقوا الله. أما بينك وبين الله سبحانه وتعالى أي قوله واتقوا الله on répète le verset وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان واتقوا الله craignez Allah. قال الإمام ابن القيم رحمه الله فهو إثار طاعته أي tu ne dois rien faire passer avant l'obéissance d'Allah Azza wa Jal. La ta'a li makhluq fi ma'asiyat al-khaliq. Wa fi al-hadith al-akhar, innama ta'a fi al-ma'ruf. Donc, min taqwa Allah subhanahu wa ta'ala, c'est d'obéir à Allah Azza wa Jal. De suivre son messager sallallahu alayhi wa sallam. De s'écarter du haram. Tout ça en espérant la récompense, en craignant le châtiment. Tout ça fondé sur la science, fondé sur la foi, fondé sur la sincérité. Comme on a étudié ensemble, wallahi alhamd, le cours précédent, la définition de la taqwa. Thumma qal, fa arshadatu al-ayatu ila dhikri wajib al-abd baynahu wa bayn al-khalq wa wajibihi baynahu wa bayn al-haq. Ce verset donc, il montre ton obligation, akhil karim, par rapport aux autres êtres humains. Et كذلك, ton obligation que Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné. C'est pour ça que ce verset, il est global. Il renferme beaucoup de fawa'id. فَأَرْشَدَتُ الْآيَةُ إِلَى ذِكْرُ وَاجِبِ الْعَبْدِ بَيْنَهُ وَبَيْنَ الْخَلْقِ وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ. C'est ça ton obligation avec les autres. De t'entraider ma'ahum dans le bien. De t'entraider ma'ahum pour éviter le mal. قال وواجبه بينه وبين الحق أي الله سبحانه وتعالى قوله واتقوا الله ثم قال ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط والقيام بذلك لمحض النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. ابن القيم رحمه الله في dernière remarque pour conclure cette introduction, annahu la yatim lahu ada al-wajib al-awwal. Al-wajib al-awwal, la première obligation, c'est par rapport aux autres. Par rapport aux autres êtres humains. Tu dois t'entraider ma'ahum dans le bien. Qala wa la yatim lahu ada al-wajib al-awwal illa bi'azli nafsihi min al-wasat. Si tu veux réussir à appliquer cette entraide, akhi al-karim, écoute bien ce conseil. قال إلا بعزل نفسه من الوسط. أي il faut que tu fasses attention à ton nefs, à tes passions. لماذا؟ لأن بعض الناس ils s'entraident, لكن leur but c'est que l'argent. بعضهم ils s'entraident, leur but c'est qu'ils soient complimentés. بعضهم ils s'entraident لماذا؟ que pour des choses de dunya. C'est pour ça que si il n'y a plus d'argent ou l'insan il n'est pas cité ou il n'a pas beaucoup de suiveurs, ils arrêtent. Vous avez remarqué qu'on vit à une époque, c'est fondé beaucoup sur tout ce qui est les voix, les abonnements, les abonnés, les suiveurs, etc. Et tout ce système des réseaux sociaux. Ils rentrent pour faire un da'wah. Pour s'entraider, pour montrer à leurs frères. S'ils n'ont pas beaucoup de suiveurs, ils arrêtent. Et là, c'est très très grave. Ça montre un problème dans l'intention. Si on applique ce verset, et on applique le conseil de l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, celui qui fait da'wah, il a un suiveur, ou deux, ou dix, ou mille, ou dix mille, ou un million. Alhamdulillah, si il est sincère, il est sur le droit chemin et il sera récompensé par Allah subhanahu wa ta'ala et il est considéré entraîné avec les autres. Lakin, si on réfléchit avec le système d'aujourd'hui, bien sûr ce système que les koufars ils ont fondé, c'est fondé sur la popularité, sur le grand nombre, sur les suiveurs, il faut que tu sois cité, il faut que tu sois connu. Si on rentre dans ce système, on va se faire beaucoup de mal. On va se faire beaucoup de mal niveau deux choses, deux points. Emma, on arrêtera si on n'a pas beaucoup de suiveurs. Le but, ça deviendra d'avoir des abonnés. Il a beaucoup d'abonnés, donc forcément, il dit la vérité. Il a beaucoup d'abonnés, donc forcément, ce qu'il fait, c'est bien, etc. Hada, c'est complètement faux. Et ma deuxième chose, on aura beaucoup d'abonnés, beaucoup de suiveurs, et notre intention, ça sera ses abonnés et les suiveurs. Ça veut dire qu'on dira ce qu'ils veulent entendre. C'est pour ça que Bardenness, ils ont atteint, ou ils ont une certaine popularité, ils ont beaucoup de suiveurs, ils ne peuvent plus dire ce qu'ils veulent. L'Imanada, les Anna, cette masse, c'est devenu leur fonds de commerce. Hada, ce prêcheur, il dira ce que Haoula, ils veulent entendre. Et Hada, c'est très très grave. Allah subhanahu wa ta'ala amrana bi qawli al-haq. Rasul sallallahu alayhi wa sallam amrana bi qawli al-haq. On doit dire la vérité, on doit propager la vérité et on patiente. Wa ta'ammal qawl an-nabi sallallahu alayhi wa sallam. أن نبيا من الأنبياء يوم القيامة يأتي وليس معه أحد. Un nabi, يوم القيامة, il viendra, il n'aura aucun suiveur. Ce nabi, on n'a aucun doute, c'est un nabi. عليه الصلاة والسلام, il a prêché la vérité, il était sur la vérité, il est mort sur la vérité, il n'a pas eu de suiveur. Pourtant, il s'est entraidé, il a fait du bien, il a montré, c'est les gens qui ont refusé. Hada, c'est un point très très important. On répète. ولا يتم له أداء الواجب الأول إلا بعزل نفسه من الوسط. Fais attention à هذه النفس الأمارة بالسوء. وعند الناس كذلك, on peut citer un deuxième exemple. Ils s'entraident s'il y a de l'argent, s'il y a une grosse somme. S'il n'y a pas de grosse somme, il n'y a pas un gros salaire au bout, ils ne s'entraident pas avec ses frères. Et pardon, ils le disent clairement, ça ne vaut pas la peine. Alors que il y a une énorme récompense. Wa al-musiba, c'est que ba'dhum, ils ont fait rentrer ce système et tout est fondé sur l'argent, fait l'ilm. On vit à une époque où certains durous, si tu payes, tu assistes, tu ne payes pas, tu n'assistes pas, même si tu as besoin de ce ilm. Wallahi ba'dhum akhbaruna annahum, ils ont été repoussés, rejetés. Ils ne les ont plutôt pas laissé rentrer dans des salles. Bel musiba, certains, c'est dans des masajid, limada li annahu, il a pas payé. Ah, c'est très très grave. Aina qawlullah azza wa jal wa ta'awanu ala albirri wa taqwa. Est-ce que Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a demandé de l'argent pour propager sa da'wa? Abadan. Abadan. Ça veut pas dire que l'insan, il n'a pas le droit d'accepter de, là, ça c'est autre chose, d'être conditionné et rejeter un frère parce qu'il n'a pas d'argent, khassatan s'il n'a pas les moyens. Ah là, c'est une musibe. On va laisser ce frère qui n'a pas les moyens de payer et il veut apprendre. Peut-être que Allah subhanahu wa ta'ala, il va secourir la umma avec ce frère. Peut-être que ce frère, Allah subhanahu wa ta'ala, il va lui faciliter, ça va devenir une référence fil ilm et on le rejette parce qu'il n'a pas d'argent. Ah là, c'est très très grave. Fata'awun, c'est fondé comme a qala ibn al-qayyim rahimahullah, wal qiyam bidhalik li mahd an-nasiha. Mahd huna, c'est 100%. C'est que pour nasiha. Et on doit se conseiller entre nous. Wal-ihsan. C'est pas min al-ihsan de refuser des frères parce qu'ils n'ont pas d'argent fil ilm. Ah, c'est une musiba. C'est pas min al-ihsan de baser notre entraide que sur des profits de dunya. Ça, c'est ad-dunya. Et ad-dunya mal'ouna. Comme a akhbara al-Nabi alayhi salatu wassalam. Qal wa ri'ayatil amr. فهذا الواجب الأول. Donc il est fondé sur ces choses, النصيحة والإحسان ورعاية الأمر. Et كذلك, on doit faire attention à une chose qui nous écarte et ou qui peut nous écarter de ces points bénéfiques. C'est quoi? C'est الهوى, c'est les passions, c'est الدنيا, c'est الدنيا. بعض الناس عياذا بالله, ils sont attirés par الدنيا et ils ont dépassé les limites. Il peut se poser la question, mais on a le droit de faire de l'argent, on a le droit de... Bien sûr, al-halal c'est halal, al-mubah c'est mubah, l'autorisé, une chose autorisée c'est autorisé, on ne va pas la rendre haram. Lakin, dépasser les limites, et cette entraide, elle est fondée que sur dunya, s'il n'y a pas de dunya, on ne s'entraide plus. Ça nous fera beaucoup de mal, et ça fait beaucoup de mal. Et beaucoup de divisions, elles sont basées sur hada. Pourquoi Bahad al-Nas, ils étaient ensemble et l'an, il y a des mises en garde. L'an a l'argent. Bahad al-Nas, ils étaient ensemble, une même da'wa, et ils avançaient ensemble, etc. Vu qu'il y avait des sommes d'argent, ils ont été divisés par l'argent. Thumma l'an, des mises en garde. Aina ta'awun. Elle est où cette entraide? Cette entraide, elle a été fracturée, fissurée, les mains là, à cause de la dunya. On fait attention. ثم قال رحمه الله أو قبل ذلك نعم j'ai pensé à autre chose. هذا التعاون كذلك, cette entraide, bien sûr tu peux pas t'entraider seul comme تقدم, لكن fais attention avec qui tu vas t'entraider. لماذا؟ لأن on vit dans une époque où il y a beaucoup de fitan, beaucoup de mal, beaucoup d'égarés, beaucoup d'ignorance, beaucoup de passion. Fais attention. Comme Minanas, ils ont voulu s'entraider avec des autres et ils se sont fait du mal. L'entraide, elle est fondée comme Ataqaddam sur At-Tawhid. L'entraide, elle est fondée sur As-Sunnah. L'entraide, elle est fondée sur Al-Ikhlas, sur Al-Khayr. Comme a dit le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhih ma yuhib li nafsi. Personne ne croira, ay Al-Iman Al-Kamil, tant qu'il n'aimera pas pour son frère ce qu'il aime pour lui-même. Fa'ala kulli hal, anna. هذا التعاون il doit être fondé sur la vérité. Amma, vouloir s'entraider avec Ahlul Bida' ou Al-Ahwa ou Al-Shar ou avec Al-Kuffar, Ayyadam Billah, dans des choses qui contredisent notre din, comme Minanas, ils ont voulu s'entraider, ils sont rentrés dans des associations, dans des organismes, etc. Et à la fin, Ayyadam Billah, ils ont eu des choubas. Ba'aduhum du kufr, ba'aduhum des bida', ba'aduhum des péchés, etc. On fait attention. Ibn al-Qayyim rahimahullah, fil fawa'id, il a un kalam jamil, qala fihi, al-ijtima'u bil-ikhwan qisman. Al-ijtima', c'est le fait de se rassembler avec tes frères pour s'entraider, c'est de deux catégories. Qala, ijtima'un, la première catégorie, ijtima'un, hadha al-kalam, que je lis, c'est min al-fawa'id, kitab al-fawa'id, c'est pas dans al-tabukiyya. Qala ahaduhuma ijtima'un ala mu'anasati at-tab' wa shughl al-waqt, fa hadha madarratuhu arjah min manfa'atihi wa aqallu ma fiha annahu yufsidu al-qalb wa yudhayyi'u al-waqt. Fata'ammal hadha al-kalam. Ijtima'un, le fait de se rassembler, lakin c'est pas fondé sur العلم والتقوى الانتخاد لا فيريتي اكسترا لا كما قال الامام ابن القيم رحمه الله مجرد اجتماع سي بور باسي لو طون قال فهذا ما ضرته ارجح من منفعته هذا ان جينيرال لو مال اي لي بلو غران كو لو بيان بوركوا لان هؤلاء vont se rassembler 2 3 4 5 6 au début vont parler des choses permises. Thomas Wahed, il va commencer à critiquer un autre, Birayr Haq, la médisance, Thomas autre chose. À la fin, ils sont tous divisés. Hada, il parle plus à Hada, Hada, il parle plus à Hada. Hada, ça arrive. On l'a tous vu, Hada. Enfin, l'imam Nurqayyim, rahimahullah ta'ala, il a démontré qu'il y a cette première catégorie, Hada, l'ishtima', ça pousse, en général, au mal. Thomas قال, الثاني الاشتماع بهم على التعاون. على أسباب النجاة والتواصي بالحق والصبر etc. ثم la deuxième catégorie اجتماع على التعاون, c'est notre درس, أي pour s'entraider, et tout ça c'est fondé كما قال رحمه الله sur الحق والصبر وتواصي بالحق وتواصي بالصبر, أي il se recommande la vérité et il se recommande la patience. Si tu as cette fréquentation, ihmadillah أنه il te recommande la vérité. Quand tu te trompes, il te montre. Contrairement à la première catégorie, peut-être que tu te trompes, ils se moqueront de toi. Ou ils divulgueront certains de tes péchés. Voilà, la nasiha ou la shay. Pas de conseil et pas d'entraide. Amma al-akhyar, si tu te trompes, ils te conseillent. Et kadhalik, ils cachent tes péchés. Si tu ignores, ils t'enseignent, ils te montrent bi'ilm. Donc, هذا, ne pas comprendre, من هذا الكلام التعاون, on doit s'entraider avec tout le monde. Et on doit fréquenter tout le monde. Il y en a بعض الناس, ils ont ces slogans avec des associations autres. L'entraide, انهم, ils vont faire. Fais attention, اخي الكريم, on vit à une époque de fitna. Choisis tes fréquentations. Ne fréquente pas tout le monde. Tes forces, cette entraide que tu veux appliquer, et cette force que tu as, ولله الحمد, et cette envie, essaye de placer tout cela avec tes frères Ahl-Sunnah wal-Jama'a. Wahdhar, fais attention et écarte-toi de Ahlul Bid'a. Ha'oula, ils veulent s'entraider que par rapport à leur passion, que par rapport à leur position. Ils ne veulent pas s'entraider sur la vérité. Là, si tu es d'accord avec eux, ils vont te rapprocher. Si tu n'es pas d'accord dans un point, ils te rejetteront. Et ça ne fait pas partie de notre din. Là, on accepte la vérité, on rejette le faux, même sinon on l'ignore. C'est nous la vérité, et celui qui nous contredit, il a forcément tort. Ça fait partie du suivi des passions. Al-haq, c'est qu'Allah, Allah, qu'Allah, Rasoul, sallallahu alayhi wa sallam. Tout ça, avec la compréhension de As-Sahaba, radiyallahu anhum, et de Salaf, Al-Umma. Ou Ibn Al-Qayyim, rahimahullah, كذلك, il a, ou plutôt Cheikh Ibn Al-Uthaymeen, rahimahullah, il a un kalam مختصر جميل في هذا. قال كما في شرح حلية طالب العلم il a démontré رحمه الله أن الأصدقاء ils sont de trois catégories. Les fréquentations, les amis, ils sont de trois sortes. La première catégorie صديق منفعة, un ami, une fréquentation qui cherche المنفعة, il cherche les profits. قال وهو الذي يصادقك ما دام ينتفع منك بمال أو جاه أو بغير ذلك فإذا انقطع الانتفاع فهو عدوك لا يعرفك ولا تعرفه. C'est une amitié, une entraide en apparence qui est fondée sur l'argent فقط. فهذا الصديق, cet ami, il sera proche de toi si tu as de l'argent, il profite de toi. Si tu n'as plus d'argent, il te délaissera comme s'il ne t'avait jamais connu, yadam billah. فحذر من هذا الصنف. Ha'oula, on les conseille et on leur montre le bien, et s'ils n'écoutent pas, fais attention. Léanna ha'oula, ils pensent qu'à dunya yadam billah. Deuxième catégorie, صديق لذة يعني لا يصادقك إلا لأنه يتمتع بك في المحادثات والمؤانسات والمسامرات ولكنه لا ينفعك ولا تنتفع به منه أنت. هذا c'est un صديق لذة. Et il prend du plaisir à rester avec toi. Tu le fais rire, ou il a besoin de compagnie, il se sent seul, etc. Tu ne profiteras en rien de lui, et il se fait du mal et il te fait du mal. Et tu n'es pas profitable pour lui, et lui n'est pas profitable pour toi. C'est qu'une perte de temps. Et en précisant là, ça ne veut pas dire qu'on doit rejeter cette catégorie. Il y en a sept catégories, ils sont nombreux. Ils ne sont pas occupés par la science, par la mise en application. Ils n'ont pas d'occupation, même fidounia, ils ne travaillent pas, etc. On ne doit pas les rejeter. Ha'oula, on doit les conseiller. Ça ne veut pas dire que tu le fréquentes nuit et jour, tu rentres avec lui, tu sors avec lui, tu manges avec lui, tu voyages avec lui. Là, le temps que tu lui donnes, c'est financé. Fais attention de ne pas suivre le mouvement. Et elle a cette catégorie. Imma, il te suivra. Imma, tu le suivras. Imma, tu perdras ton temps avec eux. Des journées entières avec les jeux vidéo. Ou dans le sport. Ou le kalam farir. Ils sont assis dans la rue. Et ils ont rien à faire. Si tu rentres avec eux, ils vont t'attirer dans leur passion. Et yadam billah, rubbama. Tu perdras ton temps. Lakin, on fait des efforts pour les emmener vers nous, vers l'ilm, vers l'haq, vers la vérité, vers le suivi du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Faqala Cheikh Ibn Uthaymeen, hadha aydan ihdhar minhu an yadhi' awqatak. Fais attention que hadha il ne te fait pas perdre ton temps, il ne te fasse pas perdre ton temps. Naam. Tous les jours il t'appelle, tous les jours on doit faire, il veut que tu restes avec lui, et en tant que tu suis là. Tu lui donnes son haq, et son haq, c'est le conseil. Tu lui montres la vérité, thumma, tu avances. Troisième catégorie de fréquentation d'amis, صديق فضيلة. قال يحملك على ما يزين وينهاك عما يشين ويفتح لك أبواب الخير ويدلك عليه. هذا c'est un صاحب فضيلة. Il te montre la vérité, il te conseille, il te montre tes défauts, tes péchés, كذلك من باب النص, pour que tu te corriges, et c'est une cause, أنه, c'est la cause, il t'ouvre les portes du bien, بإذن الله عز وجل. قال وإذا زللت ينهاك على وجه لا يخدش كرامتك. Si tu te trompes, tu fais un péché, tu as un mauvais comportement, tu as un manquement, une faiblesse, il te corrige, il te montre de la meilleure manière. Qala hada huwa as-sadiqu al-fadil. Ça, c'est la fréquentation, l'ami qu'on doit tous rechercher. Et le khayr, il est maujoud. Lakin, on doit filtrer. Pourquoi on a lu ces catégories? Pour te montrer qu'on a cette entraide. Ne pense pas que tu vis dans un monde où tout le monde est de la troisième catégorie. Tout le monde veut le bien, tout le monde veut le sunna, tout le monde veut le ilm. Et le premier qui te propose une chose, t'es avec lui. Fais attention, on vit à une époque. On doit filtrer les choses. Hatta yatamayyiz al-khabith min at-tayyib wa nata'awun ma'a at-tayyib. Et on fait attention, nahdhar min al-khabith. هذا الكلام ده شيخ العثيمين جميل من شرح كتاب حلية طالب العلم رحمة الله عليه للشيخ العثيمين. ثم قال الإمام ابن القيم رحمه الله: ولا يتم له أداء الواجب الثاني إلا بعزل الخلق من البين والقيام به لله إخلاصا ومحبة وعبودية. On a fini le premier واجب, أي l'entraide. L'entraide, donc, elle est fondée sur le conseil, sur l'ihsan, la bienfaisance, sur le bien, on fait attention aux passions et à tenir. Et on fait attention, bien sûr, au haram. Le deuxième wajib, la deuxième obligation, est al-abd baynahu wa bayna Allah, et les obligations qu'Allah t'a ordonnées. Hadi, qu'est-ce que tu dois faire? Tu dois faire attention. Qal wa la yatim lahu ada'u al-wajib al-thani illa bi'azl al-khalq min al-bayn. Fais attention de ne pas mettre une créature wasita, un intermédiaire, baynak wa bayna Allah. Pourquoi? Parce que l'adoration, elle est fondée sur l'ikhlas. Qala azza wa jal, wa ma umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ad-din. Ala lillahi ad-din al-khalis. Wa qala azza wa jal, wa'budu Allah wa la tushriku bihi shay'a. Fal-ibada al-ubudiyya, elle est fondée sur l'ikhlas wal-mahabba. Tout ça, khawfan wa raja'an. L'adoration, elle est fondée sur la sincérité. On vient de citer quelques preuves. كذلك محبتن. Aïe, l'adoration, elle est fondée sur al-mahabba. Aïe, on adore Allah subhanahu wa ta'ala parce qu'on l'aime. Et on espère, azza wa jal, qu'il nous aime. Comme قال الله عز وجل, قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله. كذلك هذه العبودية, elle est fondée sur le khawf wa raja. C'est ce qu'on a vu hier dans la définition de at-taqwa. Al-khawf, et tu t'écartes des péchés, des interdits. Limada takhaf iqab Allah, tu crains, tu as peur du châtiment d'Allah Azza wa Jal, et tu fais les obligations, etc. Raja'a thawab Allah, tu espères la récompense. Donc, هذا الواجب الثاني, ay baynaka wa bayna Allah, Allah subhanahu wa ta'ala t'a ordonné de l'adorer, fa fais attention de ne pas placer un intermédiaire baynaka wa bayna Allah Azza wa Jal. بعض الناس ضيعوا هذا الأصل العظيم. بعض الناس, ils ont tout perdu, عياذا بالله, en donnant à Allah عز وجل des associés. Ils veulent être reconnaissants envers Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce qu'ils font? Ils égorgent pour un mort. Ils ont une demande, ils ont un problème, une maladie ou autre. Au lieu de demander à Allah عز وجل, ils demandent à un mort. Ils sacrifient à un mort. Ils ont été éprouvés par des djinns, au lieu de demander à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il les préserve, qu'est-ce qu'ils font? Ils sacrifient pour ce djinn, pour que le djinn, il les délaisse. هَؤُلَا جَعَلُوا بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ اللَّهُ وَاسِطَةً أَوْ وَسَائِطَةً. Et هذا, c'est le shirk. Et Allah Azza wa Jal قال إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. C'est une énorme injustice d'avoir des intermédiaires fil l'ibada. قال الله عز وجل وقال ربكم ادعوني. Pas besoin de demander à un autre. Demande à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala, c'est As-Sami', c'est le Basir, c'est le Hayy. Il t'entend, il te voit. Enfin, pourquoi prendre un intermédiaire? Qala wal qiyam bihi lillah ikhlasan wa mahabbatan wa ubudiyya. Donc la sincérité, et bien sûr, tu adores Allah subhanahu wa ta'ala parce que tu l'aimes et tu espères la récompense. Et كذلك ittiba'an li nabiyyina Muhammad alayhi salatu wa salam. On répète le verset, قُلْ إِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ فَاتَّبِعُونِ يُحْبِبْكُمُ اللَّهِ. Si tu espères que Allah subhanahu wa ta'ala il t'aime et qu'il accepte tes œuvres et rentrer fil jannah, suis le prophète Muhammad alayhi salatu wa salam. فَاتَّبِعُونِ أي اتَّبِعُوا النبي محمد عليه الصلاة والسلام. Donc l'ikhlas avec le mahabba, avec l'itiba, tout ça, c'est les causes de la réussite فهذه الدنيا on doit adorer Allah Azza wa Jal seul et on doit aimer Allah Subhanahu wa Ta'ala plus que tout, plus que nous-mêmes, et on doit aimer kadhalik son prophète alayhi salatu wa salam, et on doit le suivre. Enfin, la sincérité avec le suivi, avec cet amour lillah Azza wa Jal wa li rasulihi alayhi salatu wa salam, c'est le chemin du paradis. قال فينبغي التفطن لهذه الدقيقة التي كل خلل يدخل على العبد في أداء هذين الواجبين إنما هو من عدم مراعاتها علما وعملا. Donc, أنت en tant que مؤمن, ta vie elle est fondée sur ces deux wajibs. إما tu dois adorer Allah سبحانه وتعالى, إما tu dois التعاون مع الناس, مع المؤمنين. Une de ces deux, tu vois, ces deux obligations. Et bien sûr, même l'entraide avec les croyants, bien sûr, c'est une adoration. Celui qui a une bonne intention, c'est une adoration. À la kulli hal, ces deux obligations, elles sont très très importantes. Et comme a dit l'imam Ibn Qayyim, rahimahullah, « Kullu khalal yadkhul ala al-abd fi ada hadayn al-wajibayn, innama min adam mura'atiha ilman wa amala. » Fais attention, les passions. Fais attention à dunya. Fais attention à shirku billah. Fais attention à l'innovation. Tout ça, ça fera du mal à ces deux obligations. ثم قال هذا هو معنى قول الشيخ عبد القادر قدس الله روحه أي عبد القادر الجيلاني رحمه الله. عبد القادر الجيلاني إلى مشهور معروف. هذا الإمام الصوفية الضلال ils l'ont pris comme référence ou كذبوا عليه, ils ont exagéré et ils ont menti et ils ont falsifié ses paroles. حتى عيادا بالله, ils l'ont adoré من دون الله. وإلا فهو, c'était un imam parmi أئمة الحنابلة. Il suivait le madhab de l'imam Ahmed رحمه الله. Et beaucoup de savants, ils ont démontré أنه il avait la عقيدة des salaf. Il avait la croyance des salaf et il a écrit quelques livres. وكما قال الإمام الذهبي رحمه الله في السير, le volume numéro 20, page 451. وفي الجملة الشيخ عبد القادر كبير الشأن. L'imam al-Dhahabi رحمه الله, il a cité une biographie dans Siyar al-Alam al-Nubala de عبد القادر al-Jilani, et à la fin, tout à la fin de la biographie, il a conclu قال وفي الجملة, et en résumé, الشيخ عبد القادر كبير الشأن, il avait un rang élevé. وعليهم ما آخذ في بعض أقواله, لكن ils lui ont reproché certaines paroles. Il a dit certaines choses que As-Sufiya, ils ont pris après lui. Et بعض العلماء, ils ont montré que certaines de ces paroles, c'était des erreurs. قال ودعاويه والله الموعد وبعض ذلك مكذوب عليه. Et كذلك تستفيد من هذا أن il y a des choses, ils lui ont reproché plutôt certaines choses, لكن beaucoup de gens, ils ont menti sur هذا الرجل. عبد القادر الجيلاني وخاصة As-Sufiya. Ils ont écrit des livres sur lui, des karamats de Abd al-Qadir, iyadan billah. Ils lui ont donné des attributs parmi les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Faghalouvi, ils ont exagéré. Fanharafou. Wa illa fa al-rajul il était à la khayr. Ils lui ont reproché certaines choses. Mais fil ibadat wa al-tasawuf, etc. Wa illa fa Abd al-Qadir al-Jilani, il n'a rien à voir avec Ubad al-Qubur et Ashab al-Sihr wa al-Sha'wada. Là où il était contre toutes ces choses, même si ils lui ont reproché certains points, فنسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمه. فقال عبد القادر رحمه الله كن مع الحق بلا خلق ومع الخلق بلا نفس ومن لم يكن كذلك لم يزل في التخبيط ولم يزل أمره فرطا. نعم, هذا كلام جميل. Et c'est le résumé du kalam d'Ibn al-Qayyim رحمه الله qu'on vient de lire. كن مع الحق أو كن مع الحق بلا خلق أي سواء avec الحق أي avec الله بلا خلق sans intermédiaire أي adore الله سبحانه وتعالى seul. Fais attention de ne pas prendre un intermédiaire بينك وبين الله عز وجل, que ce soit في الدعاء, que ce soit dans ta salah, que ce soit quand tu demandes. هذا سمين التوحيد أي d'unifier الله عز وجل seul. ومع الخلق بلا نفس, c'est le premier point qu'on a expliquer. Aïe, la taj'al, hada at-ta'awun, ton entraide ne fait pas, ton objectif il ne soit pas quand tu aides un autre, ton nefs, que tu profites ant, faqat. N'am. فكما تقدم بعض الناس يفون دي شوز سي كو بور ان بروفيت دو الدنيا كونت سي لله il n'y a pas d'argent ou c'est dans un endroit personne voit personne entend il y a pas des photos sur les réseaux etc c'est un ta'awun entre frères une chose modeste lille azza wa jall tu trouves بعض الناس ils ne peuvent pas quand il y a de la publicité il y a des réseaux il y a des photos il y a de l'argent il y a des rassemblements etc tu les trouves ils ont du nashat ils sont motivés هذا ça montre un problème dans un niya wa illa fa ta'awun c'est lillah فلهذا قال ومع الخلق بلا نفس fais attention à ton nafs ta propre âme elle t'appelle au mal قال ومن لم يكن كذلك لم يزل في التخبيط celui qui a un problème dans le tawhid et son entraide c'est que pour ad-dunya lam yazal fi takhbit il va se contredire un jour il va dire une chose le lendemain il va dire le contraire un jour il va faire cette obligation le lendemain il va la délaisser ta'lamun anna ba'd an-nas au nom de l'entraide ils font du haram au nom de l'entraide matalan ils s'entraident et c'est mixte quand tu leur montres mais la mixité c'est haram ils disent la lakin on s'entraide avec on peut s'entraider les hommes d'un côté et les femmes de l'autre. L'imada s'entraider dans le haram. Cette entraide, iyadun billah, elle est fondée sur le haram, ça finit avec du haram. Le but, c'est, le départ, c'était l'entraide, thumma iyadun billah, ça finit dans des masa'ib, jara'im. On a déjà cité l'exemple de ruqya. Bardanas, ils veulent s'entraider à ruqya, il emmène un raqi, il fait ruqya à sa sœur, à sa femme, à sa fille, thumma il y a des problèmes. L'imada, l'entraide, elle est fondée sur le haram. Mais là, on s'entraide, n'aam, ruqya sotayyib, lakin, les sœurs c'est une femme, les hommes c'est un homme, et on ferme la porte. Walillahi alhamd. Qala, wa man lam yakun kadhalik lam yazal fi takhbit, wa lam yazal amruhu furuta. Furuta ay dhaya'an. Il perdra son temps. Bel ba'dahum, iyadam billah, ils ont perdu leur din. Limada li annahum, ils ont voulu s'entraider avec des ashrar, min ahlil kufr wal ilhad, et ils ont perdu leur din, iyadam billah. Donc, هذا الكلام, il est très très important. بهذا ولله الحمد, on a fini cette introduction bénéfique. فلهذا قال ابن القيم رحمه الله والمقصود بهذه المقدمة ذكر ما بعدها. Cette introduction, ابن القيم رحمه الله, il l'a écrite pour هذا الفصل العظيم, أي plutôt tous les chapitres qui arrivent. فقط هذه, c'était une introduction, كما سماها مقدمة, et المقصود, on le rappelle, c'est une nasiha pour ses frères par rapport à al-hijra ila Allah azza wa jalla. C'est pour ça que certains savants ils l'ont appelé Zad al-Muhajir. À partir de ce fasl, il a conseillé rahimahullah ses frères ay les provisions qu'ils ont besoin pour ce voyage, cette dunya. On est tous de passage et on a tous le même rendez-vous, on sera tous ressuscités yawm al-qiyamah. Farahmatullah alayhi, il a cité des nasa'ih tayyiba jiddan, des paroles très très bénéfiques. Fa nas'alullah subhanahu wa ta'ala an yuwaffiqna li dirasat hadhihi ar-risalah walhamdulillah. Et on passe à notre deuxième dars inshaallah ta'ala.